Il y a bien longtemps, et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Les trois ours. Il était une fois une petite fille que l'on avait surnommée Boucle d'or parce qu'elle avait de beaux cheveux blonds qui brillaient au soleil comme de l'or. Elle vivait avec ses parents et son petit frère dans un chalet au milieu de la forêt. Son papa était bûcheron et Boucle d'or l'accompagnait souvent lorsqu'il allait couper du bois. Pendant qu'il travaillait, elle ramassait des fleurs, jouait avec les papillons et chantait avec les oiseaux. Souvent aussi, elle partait cueillir des fruits pour sa maman qui, toujours très inquiète, comme toutes les mamans, lui faisait 1000 recommandations. Surtout, ne parle pas aux personnes que tu ne connais pas. Un beau jour, alors que Boucle d'or se promenait insouciante dans la forêt, elle découvrit une curieuse petite maison en bois. Elle frappa 3 fois à la porte et attendit, mais personne ne vint lui ouvrir. Elle hésita, puis poussa doucement la porte. À sa grande surprise, elle était ouverte. Une fois dans la maison, elle appela à pleine voix. « Eh oh ! Y a quelqu'un ?» Personne ne répondit. La maison était délabrée et mal tenue. Oh ! Quel désordre ! Mais quelle ne fut pas sa surprise de trouver la table dressée pour le petit déjeuner. Il y avait 3 bols, un grand, un moyen et un petit, tous remplis d'une bonne bouillie chaude et appétissante. Boucle d'or, mise en appétit par sa promenade, sentit son estomac gargouiller, tant et si bien qu'elle décida de goûter au petit déjeuner. Elle se mit à table et commença par le grand bol. Elle prit une grande cuillerée, mais... Oui, la bouillie était trop chaude et Boucle d'or se brûla la langue. Dans le moyen... Blah, la bouillie avait refroidi. Dans le petit bol, la bouillie était à point. Quel délice! C'était la meilleure bouillie qu'elle ait jamais mangée. Elle était sucrée au miel, un vrai régal. Après avoir bien mangé, la petite fille visita la maison. Dans le salon, elle essaya tous les fauteuils. Il y en avait 3. Le grand était trop dur et le moyen était occupé par un chat. Alors, elle essaya le plus petit. Celui-ci lui convint parfaitement et elle s'amusa pendant un moment à se balancer d'avant en arrière. Malheureusement, Boucle d'or était juste un peu trop lourde et le fauteuil se cassa en 1000 morceaux sous son poids. Elle tomba par terre, mais se redressa aussitôt et monta l'escalier. À l'étage, elle trouva 3 lits. Un grand, un moyen et un petit. Après toutes ces aventures, Boucle d'or était très fatiguée. Oh, j'ai tellement mangé qu'une petite sieste me ferait du bien, dit-elle en bâillant. Boucle d'or s'allongea d'abord sur le plus grand lit qu'elle trouva trop grand et inconfortable. Elle essaya le lit moyen, mais il était trop mou et les plumes de l'édredon sortaient de tous les côtés. Elle sauta dans le lit le plus petit et à peine eut-elle les yeux fermés qu'elle s'y endormit profondément. Maintenant, retourne la cassette. Pendant que Boucle d'Or dormait paisiblement, les habitants de la maison rentrèrent de leur promenade. C'était une famille d'ours. Papa ours, maman ours et bébé ours. Lorsqu'ils trouvèrent la porte d'entrée ouverte, ils furent très surpris. Comme ils avaient beaucoup marché, ils étaient très affamés. « Vite, maman, donne-moi mon petit déjeuner !» s'écria bébé ours en poussant la porte de la maison. Là, les ours ouvrirent de grands yeux quand ils virent le désordre qui régnait dans leur maison. « Qui a goûté ma bougie ?» grogna papa ours furieux. « Qui a touché à mon bol ?» s'exclama maman ours. Qui a mangé toute ma bouillie ? Pleurnicha bébé ours en retournant son bol au-dessus de sa tête. Après cette fâcheuse découverte, la petite famille entra dans le salon où les attendait une autre surprise. Qui s'est assis dans mon fauteuil ? Hurla papa ours de sa grosse voix puissante. On a bougé mon coussin, remarqua maman ours. Quelqu'un s'est balancé sur mon fauteuil et maintenant il est cassé, pleura de plus belle bébé ours en voyant les débris de son fauteuil. Chut ! Écoutez, il y a quelqu'un dans notre chambre à coucher, dit papa ours. Mais on dirait quelqu'un qui ronfle, ajouta la maman étonnée. Les trois ours montèrent les escaliers sans bruit dans l'espoir de trouver le cambrioleur. Regardez, on a dormi dans mon lit, chuchota le papa en ouvrant la porte de la chambre. Maman ours s'approcha de son lit et vit aussitôt qu'il était défait. C'est incroyable, dans le mien aussi, murmura-t-elle. Bébé ours, arrivé à son lit, y trouva Boucle d'Or en plein sommeil. « Maman, papa, venez voir, il y a quelqu'un qui dort dans mon lit. » La voix du petit ours réveilla aussitôt Boucle d'Or. Elle s'assit dans le lit et ouvrit de grands yeux apeurés lorsqu'elle vit les trois ours autour d'elle. « Comment t'appelles-tu ? » demanda papa ours. « Où habites-tu ? » continua maman ours. « Pourquoi tu as vidé mon bol de bouillie ?» voulut savoir bébé ours. Mais Boucle d'Or était trop effrayée pour répondre. « N'aie pas peur, » dit le papa. « Nous ne te voulons pas de mal, mais raconte-nous ton histoire. » Boucle d'Or, terrorisée, ne put rien dire. Et sans demander son reste, descendit l'escalier 4 à 4 et s'enfuit de la maison en prenant ses jambes à son cou. « Attends ! Reviens, petite fille ! Tu oublies ta botte !» lui cria maman ours. Mais Boucle d'Or ne voulut pas l'entendre. « Passe-nous voir de temps en temps !» cria les trois ours à Boucle d'Or. Mais celle-ci était déjà loin. Elle n'osa pas se retourner et se jura de ne plus jamais entrer dans une maison sans y avoir été invité. Thank you. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire du rossignol de l'empereur.